Donc il est important on a plein d'invités qui viennent chaque semaine, Arnaud, oui. Et on espère que tu reviendras. Et il est important de temps en temps de faire la promo des copains. Ça c'est le jingle. Oh là là là là. C'est toi. Hein? C'est toi là maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qu'on parle là. Non mais j'ai été surpris par le jingle. Alors, toi t'as pas reconnu le jingle, t'es trop jeune. Si, ça c'est Coco Boys. Non non, c'est la 2. C'était le générique de la publicité sur la 2 il y a 30 ans. Ouais. D'accord. Allez, frère. Et nous on a connu. Laurent Simoni, vous rappelez? On va vendre la régie pub aussi ici. Laurent Simoni, Bob, tu te rappelles Laurent, notre ami Laurent Simoni. Alors Laurent Simoni, regardez bien les pubs parce qu'il est très souvent dans les publicités à la télé. Il a fait une pub pour des galettes qui viennent de Bretagne il y a pas longtemps. Donc des galettes bretonnes. Voilà, qui pourraient venir du côté du Mont Saint-Michel. Ah. Pour les galettes. Ah oui, on beurre. Voilà. Et comment ? Je l'ai pas compris moi, mais bon. Les galettes Saint-Michel. D'accord. Voilà. Mais normalement, on doit pas dire de marque à la radio. Ben là, c'est pas une marque là. Si. Et donc Laurent Simoni était venu nous voir il y a quelques mois et il revient sur ça, scène. C'est une marque ? Laurent Simoni ? Oui. Non. Ah bon. Et il revient, figurez-vous, Laurent Simoni, il est au théâtre populaire du Renitas dans le 20e arrondissement. Ah. Tous les mardis à 19h. Métro ? Pyrénées. Oui, peux y aller par Pyrénées, c'est à 5 minutes à pied. Maurice au hasard. C'est pas très loin de Ménilmontant. Voilà. Ménilmontant. Ice, Vaille, Dry. Allez, Maurice. Voilà, au théâtre populaire. Ils sont contents. Mais d'où vient cette jeunesse allemande? C'est n'importe quoi. Comment? Mais d'où vient cette jeunesse allemande? Ah bah, c'est demande les auditeurs qui étaient. Non mais c'est depuis qu'un invité a eu la bonne idée de donner le nom d'équipe à Bob et Maurice, la Stasi, ça leur est resté. T'en étais à donc. J'en étais à donc. Ah oui, alors donc, Laurent Simoni est au théâtre populaire du Renitas, notre copain Laurent, tous les mardis à 19h. Et souvenez-vous. Hier, j'avais été chercher du boulot. Ah. Ouais, ouais, alors j'avais tout préparé. Ma photo, mon CV, ma... Lettre de motivation. Ouais, non, bref, j'étais aussi motivé qu'une lettre. Merci, Philippe. J'arrive devant le pôle emploi, fermé. Ah bon? Ouais, mais c'était en grève. Alors que je n'en veux pas, on était dimanche. Hein. C'est vrai. Mais bon, il pourrait faire un effort. Hein. Quand même. Moi, j'en fais bien, moi. Oui, tu y vas. Des fois, je me lève le matin. Après, ils vont se plaindre que les gens n'ont pas de boulot. Alors, c'est très visuel, hein, comme ça. oui, alors, voilà. Donc, pour ne pas rentrer bredouille, hein, je suis rentré dans une boulangerie. Je demande. Je demande un pain pas trop cuit, s'il vous plaît. La femme derrière le comptoir me regarde dans les yeux et me dit « J'en ai pas. » Ok. Ok, appelez-moi le directeur. Alors là, un homme en blouse blanche et moustache noire arrive. Je me fais la réflexion moi-même. J'ai rarement vu un boulanger aussi moustachu. L'homme me regarde dans les yeux. Frédéric, s'il te plaît. L'homme me regarde dans les yeux, je le regarde dans les yeux. Bref, on se regarde dans les yeux. Oui. Quand il me dit, ce n'est pas une boulangerie ici. Je regarde autour de moi, là c'est très visuel aussi. Et hop. Pas l'ombre du soupçon de l'esquisse du début d'un croûton de pain. Je regarde l'enseigne extérieure, pharmacie. Oh, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, les deux se terminent en i. C'est vrai, oui. Bravo. Merci. Alors, Laurent Simoni, actuellement au théâtre populaire du Renitas dans le 20e.